what we're gonna do now. We will have some background music now that will assist you. It is what it is. C'est l'endroit étrange et merveilleux où rien n'est comme ailleurs. It is what it is. With Laurent Garnier. A pure musical trip. What is the definition of a track? It is what it is. Please keep your attention. Humanity. It is what it is. Bonjour et bienvenue sur It is what it is. Au sommaire aujourd'hui, il n'y aura pas de rock'n'roll, pas de dubstep, même pas de drum and bass et pas de salsa non plus. Les émissions se suivent, mais ne se ressemblent pas vraiment. Il n'y a rien de pire dans la vie que la monotonie du quotidien. Donc restons dans ce côté anticonformiste. Ça me plaît beaucoup ça. Vous êtes sur It is what it is, vous êtes sur le Move, vous êtes sur Couleur 3, sur Pure FM ou sur la chaîne 2, ou bien tranquillement chez vous sur Internet. On est ensemble pendant une heure et j'ai plein de très belles choses à vous faire partager. Couleur 3. Time has come. It Is What It Is. Un début house, deep house même. Tiré du Weekend on My Own EP sur le label Rush Hour, signé le talentueux Nebraska. Un EP 4 titres avec que des belles choses comme ça, assez deep. En parlant d'artistes talentueux, justement, on va en écouter un autre, un très très talentueux. Tout ce qui est en train de passer entre ses mains est en train de devenir un peu de l'or quand même. Là, il vient de se permettre de faire un remix de Elvis Presley. Tiens, pourquoi pas ? C'est l'excellent Pilouski qui prend Elvis Presley, le morceau Crawfish, et qu'en fait une merveille totale. Couleur 3. Night. There was no moon, but the stars were bright. Put a big long hook on a big long pole, and I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Crawfish, crawfish, and I crawfish, crawfish. See, stripped and cleaned before your eyes, sweet, look on the fresh and ready to

is up to you. All I can do, I've done. Memories won't go. Memories won't go. I have gone every time. Thoughts of you will leave my head. I was wrong, now I found. Just one thing makes me forget. Red, red wine. Stay close to me. Don't let me be alone. It's tearing apart my blue, blue heart. Red, red wine. Stay close to me. Don't let me be alone. It's tearing apart my blue, blue heart. Dub, signé Fénin, avec un morceau produit spécialement pour le 10e anniversaire du label Shit Catapulte. La catapulte à merde. Pas mal ça comme nom de label. Hein. On va redescendre. Mais alors on va redescendre complètement. Avec un morceau magnifique tiré du tout premier album de Ripperton. Ça y est, notre camarade suisse se lance enfin dans la production d'un album. Et alors là, je dois dire qu'il a fait très fort. L'album s'appelle Niwa, et pour les grands fans de vinyle, encore et toujours, l'album sort en triple vinyle limité. Je viens de lire juste une toute petite critique sur le disque. La personne dit « C'est un album d'une beauté intemporelle ». Moi, je vais rien rajouter là-dessus. C'est vraiment ce que je pense. Attends, je vais enregistrer, je sais pas si ça marche, mais... Je suis dans les loges de Playel. On a fini le concert il y a une heure, et il s'est passé, pour les gens qui étaient là, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, mais il s'est passé un truc assez incroyable ici, ce soir. Et il y a eu notamment un moment dans le concert... où j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux et j'ai eu du mal à gérer tout ça. Et on venait juste de finir un morceau qui s'appelle Dealing with a Man, qui est sur mon dernier album. Et on l'a fait avec Anthony Joseph, avec tous les musiciens. Et en fin de compte, j'avais fait ce morceau après avoir écouté un morceau de Medeski Martin avec Iggy Pop. Et donc, il y a le téléphone de quelqu'un qui sonne. Et donc là, l'humeur du moment... Allô ? En sortant de scène, en ayant toutes ces émotions absolument incroyables qu'on a eues ce soir et partagées avec les gens qui étaient ici, ça serait bien d'écouter justement ce morceau de Medeski Martin et de Iggy Pop. Voilà, ça s'appelle The Luxury. She sat on the pavement, as I pulled in the drive, wearing leopard skin velvet and shiny black eyes. She looks like a sleeper, said my wife at the time. She had curls like Delilah and a smile like the sun. She held my poor corpse like she'd never be done. And the caption in my mind said, this is the one. But I'm strong and I'm disciplined, and I avoided her for years. Till one night, as usual, with my heart full of tears, a hand touched my back and she was standing right there. And then I felt the luxury of her. I felt the luxury of her. I felt the luxury of her. I felt the luxury whispering, whispering. Now I try hard to tell things just like they is, how my life was a desert before she came in and wrecked it and ripped it and rubbed my nerves thin. How I like to see her little feet pad around the house, the way she curled up quietly on the couch. I can still see her in my mind that way now. Ah, but I felt the luxury of her. I felt the luxury of her. I felt the luxury of her. Well, time bent by quickly and her confidence grew. And she wanted this and that, and she wanted those too. And she wouldn't shut up. And one day I just blew up. Now she's in the hospital for the second time. Maybe she'll die. Maybe I'll cry. Therapists would say, you're in denial. But love became inconvenient. Love became a literal drag, very bad for business. I'd be better off a fag. She's a model to sport that I can't afford. Cause I'm a practical American from the Middle West, and I can kiss on a grave while welcoming guests. If cold's what I am, I'm cold till the end. And I felt the luxury of her. I felt the luxury of her. Continue walking in the modern world, which justifies every egotistical perversion with scientific talk and new ways to walk. But I'll remember the religion she became to me, and the other person I could have been. So for now, I'll say so long. I gotta go do wrong. I gotta go do wrong. I felt the luxury. I felt the luxury. I felt the luxury. Oh, luxury. pas que j'ai. Là, c'est le mariage des Titans, Medeski Martin et Iggy Pop. C'est un morceau qui m'a beaucoup touché quand je l'ai entendu. Et c'est vrai que quand j'ai fait Dealing with a Man, c'était complètement cette idée-là, c'est de marier une voix dans un effet complètement saturé avec un morceau tripant et très bluesy. Pour ceux qui sont intéressés de voir le concert à Playel, il va rester pendant 2 mois sur le site de Arte TV. Donc je vous donne tout de suite l'adresse, c'est liveweb.arte.tv. Je répète, liveweb.arte.tv. Vous avez 2 mois pour aller voir le concert qui était... C'était très très fort, je dois dire que c'était très très fort pour moi, pour tous les musiciens sur scène, pour tous les gens qui ont travaillé pendant des mois là-dessus. Le fait de faire lever complètement une salle qui est dédiée à être une salle assise, c'était incroyable. Voilà, allez voir ça, ça reste 2 mois sur le site. On écoute la production d'un français que j'aime beaucoup, monsieur Alain O. Il vient de sortir un morceau qui s'appelle tout simplement « Je t'aime ». Ça sort sur le label Composite Records. C'est un beau morceau, très très beau morceau. Je pense qu'il doit beaucoup l'aimer, justement. Oula, trois. We'll be right back. Thank you. It is what it is. On est sur les pistes de danse là. Là il est 3-4 heures du matin et ça groove sur le dance floor. Pour toute la playlist de l'émission, www.pedrobroadcast.com. Comme d'habitude, on vient d'écouter architectural. C'est un peu compliqué à prononcer. C'est entre architectural et pictural ou un truc comme ça. Et c'est la toute première sortie du label qui s'appelle architectural et l'artiste s'appelle architectural. Voilà, comme ça, eux ils s'emmerdent pas. C'est le même nom pour l'artiste, le morceau et le label. Ça, on se prend pas la tête. Un petit coup de soul, tiens, justement. Pour changer l'atmosphère, un petit coup de soul, ça serait pas mal quand même. Et encore, le mot soul est un petit peu réducteur par rapport à ce que Belruche sait faire. Belruche, ils sont définis comme étant un mélange de Sarah Vaughan, de Django Reinhardt et de Cut Chemist coincé dans un ascenseur avec de la bière russe et un sampleur. Voilà, c'est ça la définition de Belruche. Ils viennent de sortir un hippie, bien sûr chez True Thoughts, comme d'hab. Le hippie s'appelle le Liberty Hippie. Et bien sûr, c'est une merveille. If I'm missing, I will let it be known. I've always pleasure, take your turn, and then I'll have to run it home. My brothers me so much, I don't ever want to believe. If the evidence is either we're blind, it's not to see. Credit to you, it's hard to see through smoke screen. I recommend you question motives, suspend the will of business and greed. To accept, leave and challenge the majority rules. Subscription to denial, weekly is forgivable. Something wrong is scaring me. The evidence to stir the peace. And if it's not too late, then we better start trying. And we ignore the urgency. Something wrong is scaring me. The evidence to stir the peace. And if it's not too late, then we better start trying. I think it's time to redefine the powers pushed to override, decline immunity, bestowed upon the giant, expose the dire situation with a practical, irrational, false question to the corporation, authorizing the unethical, extortionate, dishonorable, exorbitant, cause it got to go, my time to contemplate delivery, the facts burning back from the chaff, makes no sense, decipher and take consume, extract, monopolize without giving something back. Somewhere gone wrong is scaring me. The evidence disturbs the peace. And if it's not too late, then we better start trying. And we ignore the urgency. Somewhere gone wrong is scaring me. The evidence disturbs the peace. And if it's not too late, then we better start trying. You imagine as a child, drift further, far away. As we got older and wise, brought you down, broke your back, threadbare, burnt out, male coats. You too conceited to remember that the end of the day, words are a consequence. At the end of the day, you do a consequence. We have a powerful vernacular. I wanna make it audible, notable, legible, accessible, and louder now. Somewhere gone wrong is scaring me. The evidence disturbs the peace. And if it's not too late, then we better start trying. If we ignore the urgency. Somewhere gone wrong is scaring me. The evidence disturbs the peace. And if it's not too late, then we better start trying. Belruche sur It Is What It Is. Il nous reste plus que 6-7 minutes ensemble et j'aimerais terminer avec un très long morceau qui est peut-être un des plus beaux morceaux de jazz très très soft dans ce moment. Il vient de sortir le tout nouvel album de José James, cet artiste new-yorkais qui a signé sur le label de Jill Peterson, Brownswood. L'album s'appelle Black Magic. Et c'est un album d'une beauté incroyable. Donc j'aimerais qu'on termine avec un morceau de ce disque, un très long morceau de jazz plaintif, magnifique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, sur la même fréquence. Je vous laisse avec la voix incroyable de José James. À très bientôt. Bye bye. Lausanne, 18h. Téhéran, 20h30. Dallas, 11h.